l'été. Le vendredi 19 août, ici Dominique Lelièvre et les informations à CKRL. D'abord, les preuves s'accumulent contre le ministre Jacques Daou et sa version des faits dans le dossier de la vente de Rona. À l'Assemblée nationale, l'opposition l'accuse carrément d'avoir menti. Pas d'appui non plus en provenance de son chef, Philippe Couillard. Le premier ministre le sommant plutôt de s'expliquer. Monsieur Daou maintient n'avoir jamais été averti comme ministre de l'économie de la vente des actions de Rona. Encore moins l'avoir autorisé cette vente-là. Mais un échange de courriel entre son ex-chef de cabinet et un responsable d'Investissement Québec semble démontrer le contraire. Le chef de cabinet y autorise les actions, entraînant la perte d'un autre siège social au Québec, au Parti québécois. Le porte-parole en économie à l'intérieur ne croit pas un mot de la version du ministre. On va demander au président de l'Assemblée nationale de sévir contre le ministre Daou, car on a des preuves qu'il a menti à la population, qu'il a menti aux journalistes et qu'il a menti aux parlementaires. Il y a un courriel qui est envoyé au chef de cabinet, comme il se doit, et qui demandait la permission et l'autorisation du ministre pour la vente totale des actions de Rona. Le chef de cabinet, M. Ouellet, a répondu « Je vérifie ». 2 heures plus tard, il revient et dit « C'est OK ». S'il a vérifié pendant 2 heures, à qui a-t-il parlé s'il n'a pas parlé au ministre en question? Nous, on ne croit pas du tout que le ministre n'a pas été informé. Le premier ministre Philippe Couillard s'est, lui, fait avare de commentaires ce matin, sans désavouer son ministre. Il ne l'a pas non plus appuyé sur les ondes de Radio-Canada. Alors, ce que je dirais là-dessus, vous savez que depuis le début, j'ai parlé de choses qu'il fallait clarifier, de contradictions à résoudre. Les nouvelles informations qu'on voit soulèvent des questions sérieuses auxquelles je veux qu'il y ait des réponses sérieuses et rapidement. C'est tout ce que je dirais ce matin. Plus près de nous, la DPJ de Québec fait l'objet d'un sévère blâme. D'après un rapport de la Commission des droits de la personne, la DPJ a manqué à son devoir de protection à l'égard de 2 enfants qui ont été maltraités. Ceux-ci avaient été confiés au pasteur Claude Guillot par leurs parents. Ils ont fait l'objet de 4 signalements de 2004 à 2014 pour avoir été battus, séquestrés et maltraités. Selon le document révélé aujourd'hui, la DPJ a mis trop de temps pour traiter ces signalements. Ces intervenants se sont aussi sentis démunis. Ils n'ont pas rencontrer les enfants et leurs parents. Ils n'ont même jamais mis les pieds dans la maison du pasteur pour évaluer leur milieu de vie. La DPJ a déjà réagi, mentionnant qu'elle accueillait favorablement les recommandations du rapport et que ces pratiques avaient déjà évolué depuis les faits. Terminons à Rio. En ce 14e jour de compétition, l'équipe canadienne féminine de soccer qui affronte depuis midi les Brésiliennes, elle tente de remporter la médaille de bronze pour la 2e fois en autant de Jeux olympiques. C'est 1-0 pour les Canadiennes présentement. En kayak ce matin, l'équipe canadienne a agréablement surprise. Andréane Langlois et Émilie Fournel de Lac-Beauport se sont qualifiées pour la grande finale du K4 500 mètres, de même que leurs collègues canadiennes Geneviève Horton et Cassie Fraser. De son côté, le marcheur canadien a obtenu le bronze aux 50 km après que un Japonais ait été disqualifié. Et un mot enfin sur le scandale qui entoure le nageur américain Ryan Lochte. L'athlète a offert ses excuses à ses coéquipiers concernant la supposée agression dont ils auraient été victimes. Une vidéo de la police de Rio a démontré que le médaillé d'or avait menti. Voilà pour ce point sur l'actualité. C'était Dominique Lelièvre pour CKRL.